Bonsoir à tous, chers auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle version de Associativement Vôtre. Bienvenue également à tous ceux qui sont présents ici ce soir. Nous allons d'abord écouter la conférence de Sébastien Boller, docteur en neurosciences et rédacteur en chef de la revue Cerveau Psycho, sur son essai paru en 2019, Le bug humain. S'en suivra un débat avec les personnes présentes, ponctué de chansons de notre artiste vosgien Jean-Claude Vorgy. Je vous souhaite à tous une excellente soirée en notre compagnie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française. Regardez, 50 milliards de contrats passés par Airbus. C'est pas fantastique, ça? Surtout qu'un Airbus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la merveille de technologie que ça représente. Je ne sais pas combien de tonnes de micro-composants électroniques il y a là-dedans, mais ça vous emmène 150 personnes à l'autre bout de la planète, assis dans un fauteuil en sirotant une coupe de champagne. On a beau dire ce qu'on voudra, c'est quand même une des plus belles preuves du génie humain. Alors vous savez, sur Internet, comment ça se passe? On surfe, on clique, et puis on tombe sur d'autres informations comme celle-ci. 15 000 scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur la hausse des températures à cause du réchauffement climatique, la fonte des calottes glaciaires, l'élévation du niveau des océans, 6 ou 7 mètres à l'horizon 2100, l'exode de centaines de millions de migrants, une catastrophe planétaire dont nous sommes responsables. On dira ce qu'on voudra, c'est une des plus belles preuves de la stupidité humaine. Attendez, j'avais pas dit génie humain juste avant, là? Ou stupidité? Et puis surtout, si on réfléchit 2 secondes, c'est peut-être la magnifique preuve du génie humain qui est en grande partie responsable de l'énorme bêtise qu'on est en train de préparer. Une contradiction, non? Mais moi, ça m'intéresse. En tant que neurobiologiste, je me dis qu'il y a peut-être un début de solution dans notre cerveau. Alors si on regardait comment ça fonctionne, un cerveau, vous avez toute la partie extérieure, plissée, du cerveau, qui s'appelle le cortex. Le cortex, ça fait de l'intelligence, ça fait des Airbus. Mais juste en dessous, tapis au milieu, là, le petit animal rouge, ce n'est pas un alien, ça s'appelle le striatum. Et alors, comme c'est au milieu, ça c'est une règle générale dans le cerveau, plus c'est au milieu, plus c'est ancien, c'est-à-dire que ça existait déjà il y a des millions d'années, ce striatum, lui, il ne fait pas de l'intelligence. Non. Il fait de l'émotion brute, il fait surtout du plaisir. Avec une molécule dont Michel vient de parler, la dopamine. C'est un plaisir chimique. Alors, il y a une chose qui est fantastique aujourd'hui avec les neurosciences, c'est que grâce à l'IRM, vous savez, ces grands scanners, on peut savoir maintenant précisément dans quelles conditions ce striatum nous donne du plaisir. Et la première, je ne sais pas si vous y auriez pensé, c'est quand on arrive à accumuler un maximum d'informations autour de nous. Et ça se comprend. Ça se comprend si on se rappelle que ce striatum existe depuis très très très longtemps, quand on était des hommes préhistoriques dans la savane. Parce qu'à cette époque-là, trouver de l'information, que ce soit une brindille cassée, une empreinte de pas d'animal dans la boue séchée ou une paire d'yeux derrière un buisson, ça pouvait vouloir dire la survie ou la mort. Dans le premier cas, un gibier à manger, dans le deuxième cas, être un gibier et se faire manger. Donc, à chaque fois que vous trouviez une petite information dans ce milieu naturel, même infime, votre striatum vous récompensait avec un shoot de dopamine. Alors, l'information, c'est très bien, mais à quoi ça sert? Eh bien, vous avez compris, déjà, à trouver à manger le gibier, là. Une fois qu'on l'a trouvé, vous aviez tout intérêt, à cette époque-là, à le dévorer entièrement, à ne pas en laisser une seule miette, à vous comporter comme un gouin, à faire une véritable orgie, parce que vous n'étiez pas sûr de retrouver un autre gibier semblable avant quelques semaines, avant quelques mois. Donc, il fallait faire le plein. Donc, à chaque fois que vous vous comportiez comme un gouin, eh bien, votre striatum vous récompensait avec un shoot de dopamine. Alors, manger, c'est très bien, pour la survie à court terme. Mais pour la survie à long terme, vous savez ce qu'il faut? Il faut transmettre ses gènes. Alors pour ça, il y a quelque chose de très sympa, ça s'appelle le sexe. Et alors là, effectivement, depuis l'aube des temps, plus vous avez de partenaires sexuels, plus vous transmettez vos gènes. Donc, À l'époque, quand on vivait dans la savane, plus vous avez de relations sexuelles, plus votre striatum vous récompensait avec de la dopamine. Alors, ce serait merveilleux s'il n'y avait pas la compétition pour la sélection naturelle. Alors, vous savez comment ça marche ? Il faut toujours trouver un moyen de faire un peu mieux que le voisin. Et une façon d'y arriver, c'est de minimiser ses dépenses d'énergie. Parce que la vie, depuis qu'elle existe dans les océans du précambrien, il y a 500 millions d'années, a toujours fonctionné sur ce mode. Il faut limiter les dépenses d'énergie dans un milieu hostile. Donc, à chaque fois que vous pouviez manger et copuler en faisant le moins d'efforts possible, votre striatum vous récompensait avec un shoot de dopamine. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que si vous arriviez à faire tout ça en étant le chef, alors là, c'était le gros lot, parce que ça voulait dire plus de nourriture, plus de partenaires sexuels, plus de farniente, et donc là, votre striatum vous récompensait, mais alors avec un énorme shoot de dopamine. Donc ça pousse évidemment à vouloir s'élever toujours un petit peu au-dessus des autres. Alors qu'est-ce qu'on a entre les mains là, avec ce striatum ? On a en fait une fantastique machine à survie, totalement rodée, très robuste, qui existe depuis l'aube des temps et qui nous a accompagnés jusqu'ici. Ça fonctionne à merveille, c'est presque mieux qu'un Airbus. Donc où est le problème ? Ben, le problème, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que nous ne vivons plus dans la savane. Autrement dit, si je reprends par exemple le premier élément que je citais, la recherche d'informations, alors quand on vivait dans la savane, effectivement, le striatum était devenu très sensible à la moindre variation dans l'environnement, parce que la savane est un milieu pauvre en informations. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la savane. Nous vivons dans un monde saturé d'informations. Regardez les écrans publicitaires, regardez quand vous êtes au travail, votre écran d'ordinateur, des bannières publicitaires, des pop-up, des alertes e-mail en bas à droite, puis le téléphone qui sonne, les notifications, puis les fils d'infos continuent, on ne sait plus où donner de la tête. Et comme notre striatum a été forgé pour en chercher toujours plus, il ne sait plus s'arrêter. Et donc on passe son temps, alors vous pouvez regarder vos voisins dans le métro, dans le transport, à scroller, c'est le terme, ça veut dire manger de l'information en boucle, ou alors regarder les chaînes d'information continues. Et tout ça, ça fait fonctionner l'industrie du numérique, qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, représente l'équivalent du transport aérien, donc de nos braves Airbus. Et ça, on n'y pense pas toujours. Donc merci, petit striatum. Le deuxième effet, la recherche de nourriture. Effectivement, vous étiez dans la savane, vous tombiez sur une antilope. Votre striatum disait « Prends tout de suite tout ce que tu peux dévorer là, maintenant, tu ne sais pas si tu auras demain. » Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la savane. Nous vivons dans une société de pléthore alimentaire. Il suffit de cliquer pour avoir à manger. Il suffit de descendre dans la rue, en moins de 10 minutes, vous pouvez tomber sur un bon gros hamburger, bien gras, bien dégoulinant. Et le striatum, qui n'a pas été forgé pour s'auto-limiter, dévore. Et nous sommes maintenant 13% d'obèses à la surface de la planète. L'OMS nous dit qu'on meurt plus de suralimentation que de la faim dans le monde. Et c'est au prix d'une agriculture intensive, de pesticides, de gaz à effet de serre qui dégage de partout, et ça, on n'y pense pas toujours devant son hamburger. Et puis, juste après, le sexe. Alors, quand on vivait dans la savane, je sais que c'est une idée fixe, je suis désolé, mais quand on voulait avoir du sexe à l'époque, il fallait se lever de bonne heure. C'est-à-dire que le partenaire sexuel, fallait aller le chercher derrière la montagne, là, puis peut-être qu'il fallait se friter avec le chef de tribu en plus, et puis peut-être avec les rivaux. Et donc, il fallait vraiment être un mort de faim au niveau sexe pour survivre. Et maintenant, vous déplacez ce mort de faim sexuel aujourd'hui et vous le mettez face à des sites de rencontres, clic, clic, des sites de pornographie, clic, clic, clic, et ça donne le chiffre qu'on connaît aujourd'hui, 136 milliards de vidéos pornographiques visionnées à l'année par l'humanité. C'est 35% du trafic Internet, et c'est de nouveau des serveurs qui tournent et de l'énergie qui se dissipe dans l'atmosphère simplement pour un petit instinct débridé. Alors, notre désir de moindre effort, dont je parlais tout à l'heure, alors, si vous vouliez du confort à l'époque préhistorique, tout ce que vous pouviez avoir de mieux, c'était peut-être une fourrure. Alors, il fallait quand même aller se faire un ours au pieu, quoi. Donc, et tanner la fourrure, et puis là, vous aviez un peu de confort. Et puis aujourd'hui, tout est fait pour ça, et on ne sait pas s'arrêter. C'est évidemment le numérique, les plats qu'on peut commander à distance, c'est les assistants vocaux. On n'a même plus besoin de se lever de son canapé pour commander des sushis. C'est les berlines confortables, l'ameublement, l'électroménager, tout ça. Ça fait sortir des ressources naturelles de la Terre qui, aujourd'hui, est au bord de l'épuisement. Et puis, notre désir de statut social, s'élever au-dessus des autres. Facebook, Instagram, 3 milliards d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils font ? à longueur de journée. Clic, clic, clic, pour amasser un peu plus de likes que le voisin. Un peu plus de statut social, puis on met sa plus belle photo. Et puis les arguments pour vendre des automobiles aujourd'hui, dans les publicités, vous verrez, le grand argument, c'est l'arme fatale, c'est l'auto suréquipée. Parce que suréquipée, ça veut dire qu'on peut peut-être aller grappiller une petite option en plus que le voisin, ou alors le SUV qui permet d'être un peu plus haut que le voisin. Donc merci à notre striatum de nous emmener droit dans le mur. Bon, maintenant qu'on sait ça, on peut se dire, ben, on va satisfaire ses besoins ancestraux avec modération. Ça ne marche pas comme ça, non, non. Ça ne vous pas si vaincu, cette petite bestiole. On a découvert il y a quelques années que les cellules nerveuses qui libèrent la dopamine, qui nous donnent du plaisir, si vous leur donnez tous les jours la même quantité de stimulation, eh ben, elles finissent par fermer le robinet à dopamine. Fini ! Frustration, ennui, lassitude. Et le seul moyen de relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Autrement dit, nous sommes habités par un principe de croissance neuronale, biochimique, qui nous habite depuis très longtemps, qui se répercute dans le dogme de la croissance économique, ce qui donne une indication de la difficulté que nous aurons à en sortir. Alors on peut se dire, maintenant on voit l'horizon qui s'avance. Dans 30 ans, la catastrophe. Les marches pour le climat nous le disent. Donc on va réagir. Ça marcherait, oui, si notre striatum était sensible à la profondeur du temps. Le problème, c'est que les neurones à dopamine ne s'allument que quand on leur donne un plaisir tout de suite, maintenant. Voilà. D'où l'instantanéité de nos modes de consommation. Si vous promettez une récompense dans un an, 10 ans, 20 ans, aucune décharge neuronale en termes de dopamine. Notre striatum est aveugle au temps et c'est ce qui fait qu'on est absolument incapable de sentir l'urgence et qu'on continue business as usual, comme on dit. Donc, à ce stade, nous sommes avec un cerveau qui a été, pendant des millions d'années, notre meilleur allié et qui aujourd'hui est devenu notre pire ennemi. Il est en train de creuser notre tombe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Moi, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui me disent ben, « il n'y a qu'à enlever le striatum ». Non, parce qu'on ne peut pas vivre sans dopamine et sans plaisir. Essayez, vous verrez, c'est encore pire après. Il y a des effets rebonds, après on se lâche, c'est carrément la débauche. Non, non, il faut obtenir de la dopamine par d'autres moyens. Et il y a trois pistes. La première, c'est obtenir de la dopamine avec moins de stimulation. Vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Pas forcément si on remet le cortex dans la boucle. Moi, je me souviens d'une histoire que m'a racontée Christophe André, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, avec qui on collabore au journal, et qui me racontait comment il prenait en charge parfois des groupes de personnes qui sont dans une situation d'alimentation compulsive, problème de poids, justement. Et il me parlait d'une expérience qui s'appelle l'expérience du grain de raisin. C'est-à-dire que vous allez acheter des raisins secs, comme au supermarché, dans un sachet, et puis vous dites au patient, maintenant, prenez un grain de raisin et au lieu de le manger, de l'enfourner comme vous faites d'habitude devant votre télé, regardez-le quelques instants, observez-le à la lumière du couchant, regardez ses jolis et délicats replis, puis humez son parfum un petit peu acidulé, prenez le temps, une minute, deux minutes, puis mettez-le dans la bouche, et faites-le passer autour de votre langue. Et pendant tout ce temps, ce sont des stimulations qui sont recueillies par notre cortex, par notre striatum, qui libère de la dopamine et qui a du plaisir, et ça peut durer comme ça pendant un quart d'heure avec un grain de raisin. Je ne blague pas, essayez. Et bien souvent, les gens vous disent, ah ben, j'ai l'impression d'avoir fait presque un petit repas. L'avantage, c'est qu'en un quart d'heure, il y a déjà des mécanismes de satiété qui peuvent s'installer. Et puis, on a vraiment fait beaucoup de sensations avec peu de choses. Donc, c'est une voie à développer par la discipline. Il faut y penser. C'est le petit geste qu'on peut faire pour notre environnement tous les jours, mais qui, cumulé sur des milliards d'individus, pourrait faire énormément. La deuxième piste, c'est de se dire qu'on va obtenir de la dopamine, non pas en accumulant pour soi toujours plus de stimulation, mais peut-être en partageant, par l'altruisme. Alors vous allez me dire, c'est des idées en l'air, mais il y a une expérience qui a eu lieu il y a 2 ans à l'université de Zurich, qui a montré que ça pouvait être le cas. On donnait à des participants une somme d'argent en leur disant, vous pouvez garder l'argent pour vous, si vous voulez, ou le partager avec un inconnu que vous ne verrez jamais. Alors, on a constaté une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes gardaient l'argent. Ouais. Et dans l'IRM, leur striatum s'activait, mais alors bien fort. Hein. Et, mais par contre, chez les femmes, il y en avait une grande partie qui partageait spontanément. Et la grande découverte, c'était de voir que leur striatum s'activait. C'est-à-dire qu'il y avait une libération de dopamine chimique, plaisir chimique de donner. Donc, ce n'est pas juste du sacrifice idéologique, c'est qu'il y a un vrai plaisir qui peut apparaître chez beaucoup de personnes, surtout des femmes. Et on s'est rendu compte que c'est parce que souvent, les petites filles, en fait, on les félicite quand elles se comportent de façon altruiste, et en les félicitant, en fait, on leur confère un statut social. Et ça, c'est un des grands stimulateurs ancestrales du striatum. Ça veut dire qu'on peut associer un plaisir lié au statut social avec des comportements altruistes. Simplement, il faut décider de le faire avec tout le monde, pas seulement avec les petites filles, et puis de le faire sérieusement, et peut-être qu'on aurait des générations d'altruistes qui prendraient plaisir à ça. Et puis enfin, je voudrais vous parler, pour terminer, de la vraie nourriture du cerveau, qui n'est peut-être ni la viande, ni le sexe, ni le confort, ni tout ça, mais le savoir. Et là encore, je parle en connaissance de cause. Il y a 4 ans maintenant, à l'Université de Californie, des travaux ont révélé que le simple fait de se poser des questions sur des énigmes, d'essayer d'apprendre des choses, de se cultiver, provoquait une libération de dopamine dans le striatum quand on prenait le temps de développer cette curiosité, et que ça avait même un impact favorable sur la mémoire. Donc si nous nous y prenions bien, nous pourrions créer des générations d'addicts au savoir avec un impact carbone zéro et beaucoup de bien-être. Je crois que ce serait l'étape finale pour se réconcilier avec notre cerveau. Ce cerveau qui a été notre meilleur allié, comme je l'ai dit, pendant très longtemps, qui aujourd'hui est devenu notre pire ennemi, mais dans lequel on pourrait de nouveau harmoniser l'immense pouvoir que nous confère notre cortex et l'immense réservoir de désir de notre striatum. Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons écouter Jean-Claude Vorgy, notre incontournable Jean-Claude, qui va nous chanter... Avenir. Merci Jean-Claude. On serait pas trop de deux pour en faire plus, pour penser mieux, pour confronter nos doutes, pour élargir un peu la route. Un homme seul à ce qu'on dit serait souvent en mauvaise compagnie. Nous autres qui sommes fruits de la compagnie des hommes, mammifères humains, où allons-nous, en quel chemin? J'ai comme l'impression qu'on se serait trompé de direction. Faut qu'on se lève, faut pas laisser dormir la sève, celle qui donne des branches à nos rêves. Le temps qui passe n'est pas là que pour passer. Il est fait pour être habité, pour aider à naître et mûrir les graines des fruits à venir. À venir. Quand on aura fait les comptes de tous nos méfaits, restera-t-il encore du temps pour revoir le décor, réparer et guérir ce que l'on n'a jamais su trop chérir? Pourquoi foutre en l'air tout ce qui nous est nécessaire? Pourquoi tant d'énergie pour faire disparaître la vie? Ça sent fort le naufrage quand la folie s'empare de l'équipage. Faut qu'on se réveille, parce que c'est pas demain la veille. Quel bonheur nous tombera du ciel. Le temps qui passe n'est pas là que pour passer. Il est fait pour être habité, pour aider à naître et mûrir les graines des fruits à venir. À venir. Tous ces millénaires qu'il a fallu pour nous faire conscients, intelligents ou supérieurs, dit autrement, que sont-ils au regard de la dernière remontée du dollar? L'excès dans nos passions peut abréger l'évolution, à moins que l'avenir nous apprenne à devenir cosmonautes glaneurs dans un autre monde plus intérieur. faut qu'on se lève. Faut pas laisser dormir la sève, celle qui donne des branches à nos rêves. Le temps qui passe n'est pas là que pour passer, il est fait pour être habité, pour aider à naître et mûrir les graines des fruits à venir. À venir. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Surtout qu'effectivement, ça correspond bien à ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, les paroles sont bien en lien. Nous allons donc poursuivre notre soirée avec ce débat. Et nous allons commencer par Félicie. Je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de moments dans ma vie où j'avais le striatum qui fonctionnait. Parce que quand j'aime bien manger, je suis gourmande quand même. Donc, il y a ça. Il y a aussi, quand je réfléchis devant un film, que je vois des détails, des choses qui sont pas forcément visibles. Donc, ça a été ta première réaction. Ouais, je me suis dit, ça va, quoi. Il fonctionne assez bien. Oui, voilà. Et sans que je jette ou... D'accord. J'ai pas de voiture, je veux dire, j'ai pas forcément de... Est-ce que quelqu'un voudrait nous parler de sa première réaction ? Voilà, Segundino. Segundino. On nous demande en gros d'être plus modeste sur nos exigences. Et c'est trouver un palliatif, on nous propose un palliatif du style sentir humé le raisin et le croquer, en croquer qu'un seul, prendre son temps. C'est un palliatif. Je veux dire, les malades mentaux ne sont pas aussi exigeants que les gens. Mmh. Et non pas pour le fait de la maladie, c'est pour le fait qu'ils se rendent compte qu'il leur faut pas grand, qu'il leur faut moins qu'une personne normale pour être un petit peu plus heureux, parce qu'ils ne sont pas heureux, mais je pense que ceux qui en sortiraient seraient vachement plus modestes. D'accord. Alors, cette réaction de modestie, est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose à ce sujet ? Ou en tout cas, au sujet de la première réaction par rapport à ce que vous venez de voir, même si c'est une réaction de surprise, mais quelle a été votre première réaction ? Mélanie ? Moi, ma première réaction, ça a été la curiosité de commencer à l'écouter expliquer. J'ai tout de suite été happée par son discours et bien attentive. Donc ça a été vraiment la curiosité de voir qu'est-ce qu'il va développer, où il veut en venir. Et avec le recul, je me dis, ben, c'est de ça dont il parle quand on découvre quelque chose mentalement, des connaissances, ça fait aussi du bien au cerveau. On est dans une bonne... Là, tu parles des palliatifs dont il a parlé. Il a expliqué que ce qui fait fonctionner le striatum et ce qui nous donne des shoots de dopamine, il y a différentes choses, dont la connaissance. Oui, parce qu'il a parlé des 5 choses depuis la préhistoire. C'est ça. Il a parlé de 3 ensuite qu'on pouvait développer actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Vincent ? Non, moi, ma réaction, c'est vertigineux. Parce que entre le parallélisme entre l'homme de préhistorique, l'homme de la savane, qui était très simple et qu'on envierait presque de revenir, et notre éclatement total. Alors les remèdes qu'il donne me paraissent bien minces par rapport à cette maladie qu'il décrit. Alors, c'est là que je trouve que c'est une vision pessimiste de l'homme, peut-être, mais il a peut-être raison, mais en même temps il y a peut-être d'autres pistes. On y viendra peut-être dans la soirée, d'autres visions de l'homme, d'autres visions du cerveau. Peut-être qu'on sait que par ailleurs, notre cerveau, on le développe qu'à dit-on, à 10%. Je n'ai jamais eu la certitude de cette assertion scientifique, enfin, assertion, si vraiment on n'a que 10% de notre cerveau qui est activé. Alors ça voudrait dire que peut-être, mais alors peut-être et comment, dans une surconscience, on arriverait à trouver la solution. Parce que les petites solutions là de dopamine minimale, là, je pense qu'il les a. Il y a peut-être d'autres extraits dans son œuvre qui le développent, mais là, ça semble qu'on va quand même dans le mur, vu que j'ai écouté. Mais non, voilà, il a peut-être dit d'autres choses. Et en tout cas, pour moi, c'est vertigineux, surtout. Voilà. Mmh. Et maintenant, du travail à accomplir. Merci, Evelyne. Moi, ça m'a appris des choses. Parce que, bon, la dopamine, d'accord. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est ce besoin immédiat de dopamine qui ne peut pas être... Et donc ça explique beaucoup de comportements. Et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas ça. Ça m'apprend des choses au niveau scientifique. Et on est fait comme ça. Donc on est obligé de tenir compte de ça. Parce que ça, on ne le changera pas. Moi, ça ne m'étonne pas que c'est un cerveau ancestral. C'est inscrit en nous. On ne peut pas l'enlever. Mais notre intelligence nous permet de surpasser ça. Et le fait de surpasser ça, déjà, nous procure du plaisir. Oui, c'est intéressant. Je rebondirai sur ce que tu as dit. Pour ma part, j'ai pensé la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous permet de comprendre déjà des comportements qui sont incompréhensibles quelque part. Et de comprendre et d'être bienveillant devant quelque chose qui a l'air d'être, pour certains, une automatisation plutôt qu'une réflexion. Donc, ça aide à comprendre. Oui, oui. Ça éclaircit les choses. Voilà, on va passer le micro à Jean-Claude. J'aime bien ce type, Sébastien Boller. C'est vrai qu'il m'a appris ça. Il m'a appris d'abord l'existence du striatum, que je ne connaissais pas. Et puis, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est l'opposition qu'il y a entre... ce besoin de satisfaire son pouvoir, sa puissance, sa supériorité, et puis justement ce moyen qu'il y a aujourd'hui d'avoir de la dopamine de façon plus humble et surtout plus collective, quoi, c'est-à-dire le partage. C'est un peu opposé ce qui se fait aujourd'hui, la coopération à la compétition, quoi. Enfin, d'une certaine façon, quoi. Et je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est notre intelligence qui nous permet d'accéder à cette connaissance et qui nous permet aussi d'agir, parce que le fait de vouloir toujours plus consommer, que ce soit de la bouffe ou autre chose, on peut quand même se limiter là-dedans aujourd'hui, quoi. Enfin, on le sait très bien, d'autant plus que ce qui se passe au niveau de la planète nous y oblige aujourd'hui, nous y contraint, et a permis à beaucoup de gens d'être informés de ça, quoi, des conséquences de nos actes, quoi. Voilà. Moi, je pense effectivement que c'est une manière de comprendre. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qui aimerait rebondir, Segundino. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'on arrive à, vu ce qu'il dit, on arrive à tout mettre, c'est-à-dire tous ces défauts de l'homme, le côté gâchis, à tout mettre dans un mouchoir de poche, un Kleenex, et à le mettre à la poubelle. En gros, c'est ce que nous dit, comment il s'appelle Sébastien Boller. Sébastien Boller. En gros, c'est ce qu'il nous dit, nous rééduquer, c'est ça. Passer par des transferts aussi, on peut, je pense. C'est plus psychanalytique, mais c'est pas idiot. Devant une thérapie, pourquoi ne pas faire une thérapie pour apprendre ces changements. C'est pas forcément arriver au premier venu. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, pour d'autres, si vous voulez prendre la parole. Donc, il nous a parlé de trois points pour sortir de ce bug. Ça vous fait penser à quoi au quotidien? Être plus présent dans ce que l'on fait, c'est-à-dire se faire moins de stimulation. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Est-ce que, voilà, se faire moins de stimulation, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît faisable, entendable? Entendable, je ne sais pas. Qui veut prendre la parole? Hein, Christine? Oui, pour moi, c'est pas moins de stimulation. C'est être conscient de plein de stimulations, en fait. C'est plus dans la conscience. C'est pas moins. La pleine présence, en quelque sorte. Ben oui, oui, oui. Et c'est plus corporel. Et voilà, c'est moins dans l'intellect, moins dans le mental, c'est dans le corps. C'est peut-être que c'est des stimulations, les perceptions de ces stimulations sont à développer dans notre corps, par les sens, par... Oui, c'est une art thérapeute qui nous parle. Oui. C'est important de le dire, effectivement. Et puis, en partageant avec les autres, par l'altruisme, qui aimerait intervenir à ce sujet ? Non, simplement, je dis que je suis un petit peu dans tous les sens, mais ça interroge. Bon, je pense à diverses choses. La pleine conscience, bien sûr, qui peut être fait trouver, de déplacer la stimulation dans une zone plus sereine, moins négative pour l'environnement, pour la planète, pour tout. Plus altruiste, effectivement, la coopération, forcément. En évoquant les femmes qui sont un peu plus altruistes que les hommes et qui ont une dopamine donc plus fine, si je peux dire. Voilà, sans doute un exemple. Je pense aussi à... on pense aussi aux conceptions, on en peut parler, mais c'est facile aussi d'en parler, dire que le moi est une illusion, donc le striatum aussi, d'une certaine façon, il est éphémère. Donc, d'une certaine façon, ça me rappelle un ami qui était allé voir un philosophe en Italie. Je vais me faire, il disait avec l'accent, parce qu'il était du midi, je vais me faire opérer d'une douloureuse opération mon ego. Bon, du coup, il n'a pas pu se faire opérer, il a regardé son ego, je ne sais pas où il est, quelque part, ou peut-être dans les nuages, il n'est peut-être même plus là. Alors c'est là qu'on n'a plus d'ego. Là, on est dissous, de fait. Voilà, arriver à ce sursaut, c'est un vrai problème. Peut-être l'art, puisqu'on a parlé d'art-thérapie. Je pensais aussi à la parole de, justement, le théâtre ou l'art, la musique, Jean-Claude, la peinture, qui va nous donner une satisfaction d'un autre niveau. Et je me rappelle, ça me rappelle cette piste que je dis. Je suis dans tous les sens. Hein. Je nourris le slim league de la discussion parce que je suis moi-même un peu, je sais pas trop, hein, mais voilà. Maurice Potcher, que j'aime bien, disait que sache, homme, qu'un Dieu sommeille en toi, c'est toi-même, et il pensait que le théâtre était à même, puisqu'il a fondé le théâtre du peuple, vous savez, était à même de révéler quelque chose de plus humain, ou d'au-delà de l'humain ordinaire, sache qu'un Dieu vit en toi, c'est toi-même. Voilà ce qu'il disait. Alors après, on va dire que c'est facile à dire, et après on retombe dans le plouf. Oui. Voilà. Moi, je comprends très bien ce que tu dis, parce que je pense que toutes les activités créatives sont effectivement source de plaisir pour les gens qui les pratiquent. Maintenant, dans ce sujet, moi je vais vous dire l'impression que j'ai eue la première fois que je l'ai écouté. Première fois que je l'ai écouté, je me suis dit « Ah, d'accord, je comprends. » Et puis, 30 secondes après, j'ai dit « Ah, d'accord, je comprends. » Et j'arrêtais pas de me dire « Ah, d'accord, je comprends. » Jean-Claude. Oui, ben c'est effectivement, c'est les grands bonhommes comme ça qui nous permettent de comprendre. Moi, c'est Jacquard qui m'avait permis ça, parce que quand j'ai lu Jacquard, j'en ai dévoré je ne sais combien de livres, mais je disais « Ah, mais ce qu'il dit là, ça a toujours été en moi, c'est-à-dire que c'était, je le savais de façon très inconsciente, et d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui me le faisait monter à la conscience. Et ça, je trouve que c'est très fort, c'est-à-dire que c'est l'art de la connaissance, mais c'est aussi... on sent très bien toutes ces histoires de satisfaction qu'on peut avoir, on le sent bien. Lui, il met des mots là-dessus, et il met des mots avec de la science en plus, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant que des gens comme ça décortiquent les choses, puis nous les mettent sous les yeux. Voilà. Maintenant, je voulais aussi reprendre cette histoire de la création. Moi, je suis certain que ça, que tout acte créatif procure de la dopamine. Il y a une satisfaction. Et j'ai souvent pensé que l'acte d'acheter, vous allez quelque part, vous avez un tableau qui vous plaît, ou je ne sais pas quoi, même une robe, ou je ne sais pas, enfin, etc. Vous l'avez, contre de l'argent, vous l'avez chez vous. C'est un peu comme si vous l'aviez fait. C'est une déviation de l'acte créatif. Et c'est ça qui est dangereux aussi. C'est-à-dire que quand on s'accapare quelque chose avec de l'argent, et non pas quelque chose qu'on crée, c'est quand même complètement différent, il y a comme une déviation de cet acte créatif, quoi. Il vaudrait mieux pouvoir aller vers l'acte créatif que vers l'acte d'achat. Voilà, bon. Mais là, voilà. ce qu'on peut juste prendre comme constatation, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, la société, comme elle fonctionne actuellement, donc consumériste, hein, puisqu'on ne va pas se cacher, c'est comme ça qu'elle est étiquetée maintenant, elle profite d'une situation. Bien sûr. Qui date depuis des millénaires, notre striatum qui aime bien tout de suite à la seconde avoir les choses comme ça. Et donc là, il y a quelque chose, moi, quand j'ai écouté cette conférence, qui m'a vraiment parlé, c'est que je me suis dit, mais je comprends enfin où est le problème. Où est le problème de notre société actuelle. Le bug, c'est un bug, effectivement. Mais je pense, par rapport, comme exemple, moi, quand je regarde, ça m'arrive rarement parce que je n'ai pas de télé, mais quand je vois une publicité pour une assurance vie, par exemple, le cliché, c'est la famille qui est dehors sur la pelouse, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, et puis on rigole, etc. La vie est belle, la maison aussi, etc. Et ça, ce cliché-là, il me semble que tous les gens, enfin une majeure partie des gens aujourd'hui, tend à le reproduire, quoi. Ce cliché qui est dans la publicité, quoi. À le barbecue avec la pelouse, les machins. Et je me dis, mais c'est pas croyable, quoi, l'impact que ça a. Et bon, c'est satisfaire quelque chose, hein, c'est voir une image et puis se l'accaparer, mais d'une autre façon, la vivre, quoi, vouloir la vivre. Alors que, je veux dire. C'est quand même pas le summum du mieux de ce qu'on peut vivre, quoi. Voilà. Non, effectivement. Ben justement, c'est Gundino. Je veux dire ce que tu disais, Jean-Claude. L'éducation. Le problème, c'est l'éducation. Il faut recommencer des plans d'éducation dès le départ, à soumettre aux plus jeunes, qu'ils regardent la vie pas comme lui cité comme exemple, mais avec moins d'exigence et trouver, comment dire, dans peu de choses, une grosse satisfaction. D'écrire une couleur à papier, ils sont très heureux. Mais il y en a un qui va arriver, il va leur dire comme ça, « Ouais, tu peux essayer ma bagnole, tu peux monter ma bagnole. » Mais eux, s'ils ont des autres valeurs, effectivement. Ou les jouets, les super jouets, voilà. Oui, voilà, c'est vrai. Mais c'est nous les adultes, c'est nous les adultes qui les éduquons comme ça. Vincent ou Félicie après ? Vincent, Félicie, tu avais quelque chose à dire ? Oui, c'est quand Nino parle d'éducation. C'est le mot qui me venait aussi tout à l'heure après la vidéo. Parce que c'est vrai que c'est l'éducation. On passe voir le micro à Vincent et après on posera une petite question à Martin. Enfin, oui. Bon, je dirais, qu'est-ce que la satisfaction ? Et c'est le niveau de satisfaction. Alors j'ai deux exemples à donner. Parfois je pratique une méditation avec un groupe qui s'appelle Dharma Nature, que je recommande éventuellement, et le conducteur qui s'appelle Denis Rebrecht, pas en visio pour l'instant, nous guide dans la méditation, et quand les pensées se précisent ou accourent, eh bien il nous invite, comme en toute méditation, à les voir comme des choses qui passent, en se disant bon, ben, ça passe, ça commence, ça finit, et puis ça continue comme des nuages. Mais ce n'est pas ce que je cherche vraiment. Ah, il dit tout le temps, ce n'est pas ce que je cherche. Bon. en se disant, ben, j'ai tel désir, telle pensée, telle douleur, mais ce n'est pas ce que je cherche vraiment. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Alors, c'est là qu'il y a des réponses qui sont... Moi, tout à l'heure, j'évoquerai pas Rimbaud, mais j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Mmh. Alors, l'extase, l'éveil, dont parle Bouddha, cette espèce de lumière que je connais pas, ou très peu, ou par bribes, voilà. Mmh. Et donc, cette idée aussi que le cerveau, tel qu'il est, il a un striatum, mais il a peut-être d'autres potentialités à développer, peut-être, je ne connaîtrais peut-être pas ça, du moins dans ce cerveau-là. Et donc, ça m'évoque aussi donc, cette recherche, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Est-ce qu'on cherche les satisfactions qu'on a sont quand même, bien sûr, fortes, mais en même temps, il y a aussi autre chose de plus essentiel qu'on cherche. Et c'est là que peut se situer au moins un questionnement. Au moins un questionnement, sinon un chemin. Puis je pense aussi, tout simplement, puisqu'il évoque l'homme préhistorique, mais il y a 2500 ans, Platon évoquait déjà la caverne, avec l'idée que la lumière est à l'extérieur et que nous vivons dans le monde des ombres à l'intérieur. Et que tous nos désirs, stimulations sont quand même relatives, ça ne veut pas dire qu'on y échappe. Mais ça veut dire qu'il y a autre chose au-delà. Voilà, d'accord, c'est tout. Puis il y avait quand même, il y avait Épicure. Oui. Qui lui disait, il ne faut pas être dans les extrêmes. Hein? Quand on a vraiment bien faim et bien soif, juste un peu d'épeautre et un peu d'eau, c'est délicieux. Donc il avait ce côté pas hédoniste, hein, donc épicurien, c'est-à-dire vraiment dans la nécessité, le besoin primordial, mais géré d'une manière, consciente. Voilà. Il disait que boire un verre d'eau quand on a vraiment très soif, c'est excellent. Oui. Voilà. Oui, c'est... Donc il y avait déjà effectivement cette des joies simples sont... Voilà, des joies simples. Là, on a des écrivains comme Giono, tout ça, qui a chanté ces joies simples. Oui. Alors maintenant, on va poser la question à Martin. Alors Martin, la question est la suivante. Si je te dis, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je fais des jeux avec papa ou maman, je fais des Lego, on fait des constructions ensemble et ça me rend heureux. D'accord, ben voilà, ben je te remercie beaucoup Martin. Donc le partage, vas-y Jean-Claude. Je voulais rajouter par rapport à l'éducation... Enfin, tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est que lui il parle de la connaissance, et c'est vrai que dans l'éducation, moi, ce qui me paraît très important, c'est l'éveil de la curiosité chez un enfant, quoi. Éveiller sa curiosité. Une fois qu'on a éveillé la curiosité d'un enfant, et les profs, les instituts devraient travailler là-dessus, je ne sais pas de quelle façon, ben on n'a plus rien à faire. À partir du moment où l'enfant est curieux, il va aller voir, il va aller chercher. Une fois que la curiosité est là, ben y a déjà presque la moitié de la connaissance, quoi, je veux dire. Parce que la curiosité, c'est un moteur, quoi. C'est vraiment c'est un moteur génial, quoi. Moi, je vais juste te dire, quand j'écoutais vraiment bien la conférence et tout, je me disais que c'était tout un monde à changer. C'était inquiétant, même. Parce que ben on sait ça, on se rend compte qu'on fait trop de choses pour se faire plaisir. Déjà c'est pas vraiment du plaisir, parce qu'acheter à outrance, on rentre, on pose, on sait même plus ce qu'on va en faire. Le lendemain, on voit même plus ce qu'on a acheté. D'ailleurs, on ne sait même plus, parce qu'on est déjà en train de refaire ce qu'on a fait la veille. Et je sais plus vraiment à la fin si on trouve du plaisir à ce qu'on fait. Je pense que c'est pour se mettre à l'égalité des autres, tout simplement. Enfin voilà, chacun imite l'autre pour se sentir, on va dire, bien intégré, quoi. Je pense que l'éducation fait que à un moment donné, une fois que l'enfant passe à l'âge adulte, moi la mienne a été élevée sans tous ces moyens modernes, avec la notion de la famille, être ensemble, etc. Et aujourd'hui, elle est obligée de se plier à des choses qui sont achetées constamment, des choses pour pouvoir évoluer, faire partie de la société. Il faut acheter, il faut se mettre à des moyens de communication qui coupent du monde, alors que c'est pas forcément celui qu'on va préférer. Mais je pense qu'il y a un moment donné, on est obligé de se formater un peu à tout ça. Et c'est pour y trouver un peu de plaisir que finalement, on va aller un petit peu plus loin et un petit peu plus loin. C'est un peu le danger de tomber dedans ou pas, mais je pense que là, c'est toute une société qu'il faut remettre à jour, du coup. Mélanie, qui aimerait rajouter quelque chose. Voilà. Moi, j'ai été interpellée à un moment dans son discours quand il disait « Finalement, il suffirait d'apprendre ça aux gens, aux enfants, d'apprendre à mieux profiter de chaque chose qu'on mange, à être dans le partage. » Et dans la connaissance. En tout cas, se poser des questions. Voilà, et c'est le fait qu'il dit il suffirait quelque chose à un moment qu'on fasse un déclic, qu'on change de processus, et que c'est ça qu'on apprenne aux enfants pour qu'il y ait une nouvelle génération et qu'on réussisse à passer cette crise de l'humanité. Mais la vraie question, est-ce que ce n'est pas déjà en train de se passer? C'est déjà forcément voilà. En train de se passer, mais j'aime bien cette réflexion-là. Et moi, je me l'étais faite aussi quand j'avais appris quelque chose en discutant avec une enseignante en école Steiner. Steiner, c'est pas une pédagogie, c'est plus une philosophie. Et elle m'avait dit, finalement, s'il y a quelque chose à retenir, ça m'avait vraiment marqué, un message fort à transmettre aux enfants à différents stades. C'était le premier, de 0 à 6-7 ans, c'est de leur transmettre l'idée que le monde est moral. Ensuite, de 7 à 14 ans, le monde est beau. Et ensuite, au-delà de 14 ans, le monde est vrai. Et j'ai trouvé ça vraiment très puissant. Et je me suis dit, mais c'est vrai que si on prenait tous les enfants à chaque âge, et que c'est cette idée-là qui persistait dans tout ce qu'on fait avec eux, ça pourrait très vite changer, en fait. Effectivement, dans l'éducation. Mais quand on regarde bien, on est déjà dans un mouvement comme ça, on est déjà dans un mouvement, en tout cas dans les réseaux que nous on fréquente, de partage, oui, d'échange, de se poser des questions, de connaissances. On est aussi dans une certaine sobriété, bon, je dirais pas alimentaire, mais quand je vois tout ce que vous avez apporté, je dirais c'est magnifique, mais on reste quand même dans une certaine, comment on va dire, une certaine simplicité, quelque asset, part. On n'est pas des assets. Non, on a quand même. Et je pense qu'on est déjà dans tous ces endroits où les gens font des partages, les repas partagés, les choses comme ça. Il y a toujours ce côté quand même simplicité d'aller quelque part avec quelque chose. Voilà, on partage. Il y a quand même un côté, on va dire, plus sain. Oui, Mélanie veut rajouter quelque chose. Je te rejoins, Catherine, et je voulais dire, et ça nous fait plaisir, en fait. On fait ça, parce qu'on se sent bien, ça nous apporte de la satisfaction, de la joie, du plaisir d'être ensemble. Et ça, justement, c'est important dans cette société où... justement, c'est le prétexte du plaisir et du confort, cette surconsommation, cette surabondance de tout, de quelque part montrer que on peut avoir du plaisir et être heureux sans être dans cette surconsommation, c'est une première étape. Exactement. Voilà. Bon, je vous remercie tous infiniment. On va clore ce débat. Phil veut nous faire une clôture au débat. Il y a quelqu'un toujours ici, là, ça va? Alors, je ne vais pas vous embêter longtemps, j'en tombe déjà de ma chaise. Alors, la pensée est lourde. Un sujet comme ça, on ne l'aborde pas tous les jours. J'espère que les cauchemars seront évités ce soir. N'hésitez pas à prendre un peu l'air avant d'aller vous coucher, on ne sait jamais. Alors, je remarque une chose qui est sympathique, c'est que ce monsieur s'appelle Boller. Eh bien, Boller, et comme vous le savez, si c'est Sébastien, ça nous fait comme initial SB, Sébastien Boller. Eh bien, qu'est-ce qu'un SB? Eh bien, c'est un surveillant de baignade. Eh oui, il s'occupe de nous, nous ne le savions pas. Un homme s'occupe de nous pendant que nous prenons notre bain dans la vie, du quotidien des acteurs de la vie. Alors il nous parle de migrants, serait-ce parce qu'il est surveillant de baignade que tout le monde part à la nage? Je ne sais pas. Il part de 6 à 7 mètres en 2100. Mais est-ce que c'est parce qu'il est surveillant de baignade qu'il s'intéresse à l'eau comme ça? C'est quand même regrettable. 6 à 7 mètres, on va noyer la baignoire bientôt. Alors, ça, c'est un réel partage de connaissances, 6 à 7 mètres. C'est un réel partage de connaissances. Vous avez tout compris et tous compris quand il s'agissait de reconnaissance personnelle à travers la connaissance de son corps qui consiste à jouir. À jouir énorme. Tous les orifices sont bons. Hein. C'est faux, c'est complètement faux, n'y adhérez pas. J'ai testé les oreilles, c'est pas si bien que ça. Mais la dopamine, le secret de la nature de la dopamine, comment la sécréter? Eh bien, si nous revenons à Breton, qui est déjà à l'époque grand pour son âge, et qui décide de faire vivre du positivisme à l'individu, est-ce que vous croyez que des proches a suivi? Et Jean-Yann, comment il a fait? Il a bien fallu qu'il s'y mette. Et Coluche, comment il a fait Coluche? Il a bien fallu qu'il s'y mette Coluche. Alors, tout ça, c'est du bain neuronal. C'est que du bain neuronal, il n'y a pas besoin de se casser la tête. D'ailleurs, le mec qui a tout compris, ce serait celui qui dirait quoi? Écoutez, la vie est faite de symboles. Vous avez les symboles de la couleur, les symboles des gestes. Vous avez les symboles des mouvements, vous avez les symboles des formes. Donc tout est symbole. Eh bien, le jeu consisterait à positiver tous les symboles, mes amis. Ce serait ça le secret. Positiver désormais tous les symboles. Regardez, je prends le plus dramatique. Ma grand-mère vient de mourir. J'ai 13 ans. Elle me dit avant de partir, je reviendrai te voir. Alors je l'attends infiniment, je l'attends. Elle est là quelque part, elle va venir me voir. Et un an plus tard, elle survient à travers une lumière et un langage cohérent. C'est distinctement ma grand-mère qui me rend visite. Eh bien, je balaye cette image de la mort, dramatique pour certains, et soudain, elle devient claire, ma grand-mère est vivante quelque part dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire, de balayer et de rendre positif le symbole? Oui, mais je... Même le pire des dramatiques peut être positivé. Je le comprends, seulement j'ai de la peine à passer du surveillant de baignade... Ah oui, mais ça, c'est parce d'énergie. Que tu vois, là, je... c'est apprendre à prendre son temps. Oui, d'accord. C'est apprendre à prendre son temps. Alors, le meilleur surveillant de baignade que je connaisse, oui. C'est celui qui a déjà sauvé quelqu'un. D'accord. Autre part que son petit portable, oui. Vous savez, quand il plonge un mannequin au fond de l'eau, oui. Et qu'il va relever ses 40 kilos. Oui. Est-ce que c'est bien le même geste que la personne mais qui là, va sauver en mer? On est en plein dans le sujet, parce que logiquement, s'il fait ça, il va avoir un shoot de dopamine. N'est-ce pas merveilleux d'aller relever 40 kilos au fond des 4 mètres? S'il ressort une personne du fond de l'eau, il a un shoot de dopamine, ça c'est certain. Moi j'adore. Personnellement, je l'ai fait longtemps. Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que dans la recherche de l'information que nous faisons naturellement, qui, striatome aidant, cherche toujours. Oui, mais là, ça devient un peu pervers avec Internet, avec toutes les choses qui existent maintenant. Il y a des personnes que je connais, pas dans mon entourage proche, hein. Ça je l'avoue que non, pas vraiment. Mais enfin, que je connais ou que j'ai entendu, qui passent leur soirée à regarder des choses sur les réseaux, mais de toutes sortes. Le lendemain, ils reviennent, ils te donnent des informations. Limite, moi, je ne sais pas quoi en faire. Oui, je veux bien croire que ça désorganise un peu l'individu. D'avoir tant de réseaux, il n'y a plus d'informations. Le trop d'informations, l'abus d'informations tue l'information. Exactement. Hein, ça serait dire ça. Oui, ce serait dire ça. Alors, je résume, de partager par l'altruisme, ça me paraît intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même un réseau que nous formons. Oui. On est vraiment altruistes entre nous et tout ce que nous partageons, c'est très évolutif. Oui. Alors, je pars d'une réplique qui est toute simple. C'est que dans désir et plaisir, Par exemple, Secundino, comment manger sa souris après sa gazelle, comme il disait qu'on mangeait plein de gazelles avant. Je suis bien que j'y ai fait ici qu'elle a une idée de souris. Et lui dit qu'il est toujours une souris. Une petite souris. Mais je sais pas, moi. Et pour rendre hommage à Jean-Claude, alors j'ai noté que Jean-Claude Harry, lorsque sa guitare avorgie, influe d'une mélodie de l'avenir, nous disait-il. Eh bien, j'en ai dépassé le devenir et le plaisir pour devenir plaisir. Voilà, merci à toi. Je crois que tu réécouteras l'émission en boucle, tu vois, tu refais en boucle. Et le secret, positiver tous les symboles, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Filmo. Là, c'était une chronique très intéressante. Et je voudrais souligner une chose anachronique, c'est que comme tu parlais de Jacquard, il y a un livre qui s'appelle Les séductions de l'existence. Je ne sais pas si tu l'as, mais c'est écrit par Jacquard en collaboration avec Yves Simon. Et ça s'appelle Les séductions de l'existence. Et bien, c'est tout ce dont on a besoin. On a besoin de se séduire pour appartenir à la même existence. Oui, c'est vrai. Et le même, comme dirait le poète, le long des silences. Merci, Filmo. Nous allons écouter pour le plaisir notre incontournable Jean-Claude Vorgy. On en parle plus guère dans les journaux ou à la radio, où c'est souvent la guerre qui fait l'objet des éditos. Les conflits, les naufrages s'y bousculent, s'y pressent, elle n'est plus à la page, la gentillesse. Comme elle n'est pas source de capitaux, de profits, ne cote pas en bourse, on la méprise, on en fait fi. Bien misérables sont ceux qui dédaignent la richesse qu'apporte une moisson de gentillesse. C'est elle le berceau où se forgent les amitiés, ces généreux cadeaux offerts à notre humanité, un sourire échangé ou quelques mots très ordinaires, elle s'oublie l'étranger et se dissipe les frontières. S'il en est qui abusent de sa générosité, d'autres encore l'accusent d'atteinte à la virilité. Pourtant elle n'est en rien une manière de faiblesse, cette graine de lien, la gentillesse. C'est en ce lieu tranquille que la complicité construit, la maisonnée fertile où la paix partage ses fruits. Quand la peur et la perte inondent toute une existence, juste une main offerte, c'est une corne d'abondance. Il me plaît de penser qu'au-delà de cette fureur, que ce monde insensé semble encourager à cette heure, nous reviendrons des jours où refleurira la noblesse de cet enfant de l'amour, la gentillesse. Bravo Jean-Claude, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanson. C'est vrai que la gentillesse remise au goût du jour est une chose, je dirais, jolie, dans le côté poétique, dans le côté un peu, on dirait niais, mais non, moi je trouve que la gentillesse... Mais... Ah ben, un gentil, il passe pour un con aujourd'hui, alors, hein, c'est sûr. Oui, non, mais c'est vrai. Faire le... Ouais. C'est pour ça que ta chanson a vraiment de la valeur. Parce c'est que... pour ça que je l'ai faite aussi, parce que je trouve que voilà, c'est pas quelque chose qu'on promeut aujourd'hui. Quoi. On ne promeut pas la gentillesse, non. Ouais. Voilà. Alors maintenant, nous allons entendre Souad et Guillaume qui vont venir nous parler de leur association Terre Harmonie. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Souad. Et dans le cadre de l'association Terre Harmonie, je suis sophrologue et enseignante de pleine conscience. Et moi, je suis Guillaume, dans le cadre de l'association professeur de yoga et pleine conscience. L'association Terre Harmonie est à Les-Voivre. Mm-hmm. Et donc, dans ce cadre, donc, toi, Souad, tu es sophrologue. Oui. Voilà. Et Guillaume, tu es naturopathe. Dans le cadre de l'association, non, je suis professeur de yoga et instructeur de pleine conscience. Ah, intéressant. Mm-hmm. Voilà. Et alors, par rapport justement à ce sujet du striatum, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que vous développez, vous, dans votre association, ce qu'on peut rechercher pour se faire du plaisir sans automatiquement détruire la planète. Je vous laisse peut-être développer ce que vous en pensez. Oui, bah, alors déjà l'association, on avait mis comme petite phrase qui représente un petit peu ce qu'on, notre philosophie, Terre Harmonie, cultiver le lien. Alors cultiver le lien, pourquoi on a choisi ça? Parce qu'en fait, on propose des activités qui permettent de cultiver le lien avec soi-même, déjà, avec son intériorité, avec ses sensations, comme on disait un petit peu tout à l'heure, avec l'autre, les autres, donc par des activités aussi qui mettent en relation, en contact, et puis avec le monde, parce que bah, une fois qu'on est entre guillemets pacifié, qu'on est un petit peu plus au calme avec soi-même, plus au clair avec ses émotions, et puis à l'aise avec l'autre, alors la relation au monde, on pense que naturellement elle est aussi plus pacifiée. Et donc voilà, ce qu'on propose, c'est des activités qui contribuent à ça, et qui donc sont dans parmi plein d'autres activités. D'accord, qui... dans l'esprit du grain de raisin. Alors le grain de raisin, effectivement, ouais, c'est une pratique qu'on fait souvent en pleine conscience, qui permet à partir de quelque chose de simple qui peut être mangé, avalé en quelques secondes, et bah vraiment valoriser en fait une chose en prenant le temps, en faisant marcher tous ses sens. Mmh. Et ce grain de raisin, en fait, cette expérience du grain de raisin, on peut la transposer avec énormément de choses finalement. Mmh. Avec une marche en forêt, avec un échange avec une personne, en se reconnectant bah, à ce qui se passe à l'intérieur, à cette richesse. Et puis à tout ce que nos sens nous procurent comme information. Parce que quand on parle de pleine conscience, moi personnellement, je fais un peu les hérissons. J'aime pas ce mm-hmm. terme de pleine conscience. Hein. Pour moi, c'est de la pleine présence. C'est-à-dire que la pleine présence, d'ailleurs, il y a un chafouin là-dessus sur la traduction. On ne sait pas très bien si c'est pleine conscience, pleine présence, par rapport à ce qui nous vient de l'autre côté du continent, si je ne me trompe. Mais il me semble la pleine présence, c'est oui, je suis là, je vois là telle couleur, telle couleur, telle couleur, j'en suis consciente. Ah oui, je peux même penser, est-ce que ces couleurs montrent elles? Enfin, vraiment rentrer dans la présence. Et quand on est avec quelqu'un, c'est l'écouter vraiment. Ne pas réfléchir à l'avance à ce qu'on va lui dire, mais l'écouter, ce qu'il est en train de dire, la façon dont il le dit, la façon dont il se tient, la façon dont il parle, le ton de sa voix. Donc, je parlerai plus de pleine présence. Je ne sais pas ce que tu en dis de cette... Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'après, moi, je pense que le mieux, en fait, c'est la pratique. Parce que c'est vrai que sur les mots, après, on peut rester, en surface, finalement. Et après, de par la pratique, peut-être que chacun peut poser des mots, effectivement, qui lui parlent plus. Mais avec ce genre en fait d'expérience, c'est vraiment la pratique qui va apporter quelque chose et régulière. Parce que on parlait du cerveau tout à l'heure, et effectivement, c'est la répétition qui fait aussi qu'il y a des choses qui vont changer dans le cerveau, et que notamment, il y a des comportements et des compétences qui vont évoluer en fait. Donc là, par exemple, une des raisons de l'association, bah, c'est de proposer des activités régulièrement et aussi en groupe, parce que le groupe enrichit aussi beaucoup la pratique. Mmh. Effectivement, la pleine conscience, c'est quelque chose qui peut se faire tout seul dans son salon, mais nous, de ce qu'on a constaté, c'est quand on le propose à un groupe, il se passe quelque chose de... Voilà, il y a un catalyseur, en fait, qui fait qu'il se passe plus de choses que quand on pratique tout seul. Et tout ça, tu disais, je rebondirai là-dessus, se sentir bien déjà avec soi, et là, je passerai la parole à Swad par rapport à la sophrologie. Est-ce que c'est un outil pour se sentir bien avec soi? Oui. En fait, juste pour définir rapidement ce que c'est que la sophrologie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une méthode psychocorporelle dans laquelle on utilise différents outils comme la respiration, la détente musculaire et la visualisation pour induire un état de bien-être, pour retrouver un équilibre entre le corps, le mental et les émotions. Le corps, le mental et les émotions. Oui, retrouver un équilibre entre ces trois dimensions qui sont... qui font partie de l'expérience de l'être humain. En étant en pleine présence à chaque émotion qui nous traverse. En étant en pleine présence ou conscience. De ce qui nous traverse. Oui. Ce qui nous traverse. Mm. Par exemple, des exercices de sophrologie qui sont intéressants. J'ai lu ça dernièrement, mais vas-y, je te laisse expliquer. En fait, la sophrologie, elle est issue de différentes disciplines, dont la méditation de pleine conscience d'ailleurs, le yoga aussi. Le yoga, la pratique de la respiration du yoga, la pratique des différents mouvements aussi de relaxation dynamique. Donc en fait, tu veux que je donne des exemples de pratiques Disons, pour que, oui, que les personnes qui sont là comprennent. C'est difficile en fait d'expliquer une pratique. Le mieux, comme disait Guillaume, c'est de vraiment pratiquer, parce qu'avec des mots, c'est chacun va interpréter à sa manière. Mais l'idée, c'est une des sophronisations de base qu'on fait, par exemple, c'est d'ailleurs qui est une pratique de pleine conscience à la base, c'est de se concentrer sur chaque partie du corps, en commençant par exemple par la tête, vraiment dire voilà, j'accueille, là maintenant, j'accueille les sensations au niveau de la tête, ensuite au niveau du visage, et descendre tout le long du corps, ce qui permet en fait de vraiment être focalisé sur le moment présent, de s'ancrer sur ce qui se passe ici et maintenant, et de se reconnecter avec son corps, parce que en fait, je faisais tout à l'heure une séance avec une personne, avec une cliente, et en fait, je remarque que l'expérience du corps, on la fait pas forcément tous les jours. Pourtant, c'est un véhicule qu'on utilise et on marche, on s'assoit, on dort, on l'utilise pour tout notre corps. Et en réalité, on n'est pas forcément connecté à ce qui se passe dans ce corps. Et parfois, il y a des sensations qui arrivent et la personne, elle peut se dire « c'est bizarre ce qui m'arrive », mais en fait, c'est juste parce qu'on n'est pas attentif à ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et les exercices de sophrologie ou de pleine conscience vont permettre d'être vraiment, de reprendre contact avec ce qui se passe, de s'intéresser de plus près à notre expérience d'être humain et pas juste être dans le mental. Et voilà. Oui, alors maintenant, ben, vous pouvez nous dire ce que vous proposez ici à Les Voivres, et puis votre site internet, enfin nous expliquer tout ça. Mm-hmm. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter. Je crois que vous aviez prévu autre chose. Oui, peut-être un truc qu'on pourrait dire pour mettre un petit peu en perspective, parce qu'on a, du coup, avec la vidéo débat, on a bien finalement parcouru le fonctionnement, les limites et les solutions qui pourraient être apportées au circuit de la dopamine dans le corps. Et je pense que ça peut être intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres hormones du plaisir, il y a aussi d'autres circuits du plaisir, notamment, on peut citer l'ocytocine, qui est une hormone qu'on libère avec le toucher, donc d'où l'importance du contact, en fait, que ce soit avec ses proches, mais potentiellement avec d'autres personnes aussi. Une autre hormone du plaisir, c'est la sérotonine, qu'on développe, enfin qu'on produit quand on est relaxé, quand on fait par exemple des massages ou du yoga ou de la marche en nature ou des choses comme ça. Et aussi les endorphines, qui, elles, sont plutôt produites pendant une activité physique. Donc je pense qu'au niveau de la connaissance, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres circuits du plaisir qui sont peut-être moins, on va dire, moins addictifs, parce qu'effectivement, bah, ils ont peut-être besoin d'un peu plus de conscience pour être développés. Et puis par exemple le sport, oui, bah, y a des gens addicts, hein, au sport. Hein. Moi, je connais des gens qui sont addictifs au sport. En fait, je pense que l'addiction ne vient pas de l'activité, elle vient de la personne, plutôt. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a d'autres circuits aussi du plaisir qui fonctionnent pas de la même façon. Hein. Ils sont peut-être moins addictifs que celui-là, en tout cas, dans le fonctionnement. Mais voilà, de le savoir, ça permet de mettre d'autres stratégies en place, finalement, bah, pour aller vers un meilleur état d'être, ce qu'on recherche un peu tous, c'est-à-dire être serein, être épanoui, avoir... voilà. Donc ça, je pense que c'était important de le dire. Et puis, par rapport aux activités qu'on propose, bah, le mieux, c'est d'aller sur le site, en fait, parce que c'est vrai que ça change. Il y a, bon, avant, il y avait des activités plutôt en ligne à cause de la situation. Maintenant, petit à petit, on peut refaire des choses en présentiel. Donc le site, c'est terreharmonietoutattaché.com. Et puis là-dessus, eh ben, on peut voir si on a des que ce soit des petits stages ou des activités régulières, on les partage voilà. Dessus. Ou s'abonner à la newsletter, comme ça on reçoit les nouvelles. Voilà. Ben, on vous remercie infiniment pour votre explication. Merci à toi. Ce soir, nous devions avoir avec nous, on devait avoir une personne qui faisait partie de Solaris. Je ne sais pas qui connaît Solaris. C'est une organisation qui n'est ni une association, ce n'est pas une association, ni une fondation, ni une entreprise. C'est en quelque sorte un rassemblement d'êtres humains désirés de rebâtir le lien entre eux et de répondre solidairement à un contexte général de plus en plus difficile. Tous ses membres, sans exception, sont bénévoles au sein du réseau. Donc ce sont des échanges, ça peut être de tas de choses, mais gratuits et absolument pas comptabilisés comme dans les selles. Si Solaris, c'est vraiment tout le monde sans exception, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a absolument pas de hiérarchie. C'est quelque chose pour faire de la consommation locale, pour effectivement recréer des liens locaux, refaire des synergies locales. Alors je dirais Solaris est une organisation comme ça, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Je pense Mélanie, tu connais un petit peu, non? Pas vraiment. Voilà, donc la personne n'a pas pu venir, elle a un lumbago, et moi je ne me sens pas à la hauteur d'expliquer. Je pense que ce sera à une prochaine soirée qu'on leur demandera de venir s'expliquer. Mais en fait c'est une organisation solidaire de contact humain. Si vous en entendez parler sur Remiremont, il paraît que ça fonctionne bien. Mais là, voilà. Eh bien, maintenant, nous allons entendre notre incontournable Jean-Claude Vourgy nous chanter quelque chose. Ben oui, ben oui. Si tu me donnes un jour pour repeindre le monde, redonner des couleurs au gris du quotidien, habiller de douceur ce qui crie, ce qui gronde, enjoliver nos vies de plaisir musicien, je prendrai ton sourire pour le porter aux cieux comme un nouveau soleil. Une douce lumière qui saura inonder l'amour, ce bien précieux, et nous pourrons goûter au bonheur d'être frères. Si tu me donnes un jour pour faire danser les fleurs et rire les enfants aux jardins enchantés, un jour pour retrouver le frisson, la ferveur et l'envie partagée de tout réinventer, je prendrai ta candeur, source fraîche et naïve, ignorant les chemins où vont les préjugés. Je couvrirai la terre de cette force vive, et nul ne sera plus pour l'autre un étranger. Si tu me donnes un jour pour faire une chanson qui guérit les tourments des âmes déchirées, un brin de mélodie dévoilant l'horizon où se cachaient les fruits de printemps oubliés, je prendrai ta parole et le vent de ta voix, j'y poserai l'oiseau céleste virtuose et sa chanson rieuse, messagère de joie, nous dira la beauté des hommes et des choses. Si tu me donnes un jour, merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Eh bien maintenant, nous allons entendre Françoise, qui nous vient de la Forêt-Noire, avec un acrostiche. Je répète, un acrostiche, comme d'habitude. C'est une phrase qu'on met à la verticale, et chaque première lettre, on en fait une phrase. Voilà. Et là, qu'as-tu choisi ce soir ? Le bug humain. Le bug humain, bien. Et il y a une suite, hein. D'abord, il y avait ralentir pour vivre. Après, il y a eu résister. Maintenant, c'est le bug humain. Oui, il y a une suite. C'est bien vrai, Françoise. Le bug humain, qu'est-ce que c'est ? Échapper à la véritable tragédie que nous vivons. Beaucoup de mots commencent par sur. Surpopulation. Surchauffe, surpoids. Urgence d'agir contre la surproduction et la surconsommation. Galère qui envahit tout, jusqu'à notre cerveau et ses neurones. Horrible tentative de survie pour rééduquer notre cerveau, car une partie du cerveau, le striatum, envoie du plaisir et de la dopamine. Malheureusement, sans striatum, il y a destruction du désir. Alors que faire quand notre cerveau nous pousse à détruire la planète ? Il faut trouver un moyen de l'empêcher d'en vouloir toujours plus. Non. Il faut dire non, ralentir, résister et continuer à désirer ce que l'on a déjà. Oh, bravo ! Merci, François. Félicie, en fait, à toi Félicie. Alors, j'avais deux petits textes, j'avais pensé, moi comme j'ai pris ça, c'était sur le burn-out, j'avais pas compris que c'était sur le bug humain. Oh ben, on n'est pas loin, hein. Donc, c'est des cousins issus de Germain. Oui, donc du coup j'avais écrit un truc personnel pour avoir un petit truc, une base quoi. Oui. Donc j'avais dit, entre psy et point d'interrogation, je suis éteinte. Burnout veut dire littéralement brûler dehors, en dehors de ses chaussures, pris par son activité principale, qui peuvent être plusieurs. Là, c'est le burnout. À qui faire confiance ? Lecture, personne, famille, amis, connaissances. Se faire confiance à soi exige de se connaître. Savoir s'expliquer, c'est 80% de réussite, ai-je entendu. Philosophie ou religion ? Je crois que le plus beau rempart contre le burn-out est la sensibilité, mais ça dépend à quel degré. Des fois, c'est un peu dangereux. Voilà. Oui. Et j'ai un autre petit texte. Vas-y. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est un peu long. Je l'ai vu, je m'ennuyais à midi, et j'ai regardé une émission dont je ne suis pas très fière, enfin pas très fan déjà, c'est William à midi, je ne vous le cache pas. Je ne suis pas très fan de ce genre de truc. Ah, mais ils ont parlé du sommeil. Et ça m'a interpellée parce vas-y, que... dis-nous le texte. Je me suis dit, je vais en parler ce soir contre le burn-out, en fait. Bien dormir, ça doit faire partie aussi de la dopamine. Bien dormir, c'est déjà être à moitié guéri, oui. Oui, voilà. Donc j'ai des petits conseils. Les petits réveils nocturnes, ça peut être dû à plusieurs choses. Après, c'est inquiétant si ce suit d'insomnie. Mais ça peut être des petits réveils comme les envies de pipi, de repas trop copieux. Alors après, ça entraîne des fatigues et des manques de concentration dans la journée. Le thé, le café aussi, la température trop élevée dans la chambre. Donc un bain chaud, c'est que recommandé. 17-18 degrés dans la chambre. Éteindre les écrans 2 heures avant d'aller se coucher. C'est vrai qu'on est dans une génération où la dopamine, c'est regarder la télé. Je suis contente si Martin il regarde pas ça comme ça, puis qu'il va au lit bientôt. Et lire, ok, petite tisane, mélisse, passiflore, valériane, tilleul. Le câlin aussi, le câlin d'amour, il paraît que ça calme, que ça peut détendre. Ça donne de la dopamine. Voilà, donc c'est Christophe parlait tout à l'heure de zones érogènes, mais c'est vrai que les câlins, ben ça détend, c'est sûr. On a de la dopamine un peu comme je disais tout à l'heure, dans tous les domaines, on n'a pas la même façon de se donner de la dopamine. Mais dans l'altruisme, je vais clore mon texte, c'est vrai qu'on est là ce soir rassemblés, on parle ensemble de désirer, comme a dit François, ce qu'on a déjà. Et ça, c'est vraiment vrai, quoi. Ouais, c'est vraiment vrai. Oui. Ouais, merci ouais. Beaucoup, Félicie. Voilà. Si le problème d'insomnie persiste, il faut aller voir un professionnel de santé. Oui, ça c'est sûr. Merci Vincent, nous allons t'écouter. Comme ça, voilà. Voilà. Oui, d'abord j'aurais eu des questions à poser à Guillaume et à Swad et à Guillaume, sur la pratique de la pleine conscience, mais on en parlera en plus. Voilà, j'aurais voulu qu'on développe un petit peu la manière par rapport à la méditation, diverses pratiques, voilà. D'autre part, ben voilà un texte qui a un rapport ou pas rapport, si il a un rapport quand même, et qui a le plaisir dopaminien, les mines du ciel, les mines je sais pas quoi, il a le plaisir de pas venir de moi. Justement, c'est le texte, je n'ai d'autre plaisir quand j'écris que d'écrire ce qui ne vient pas de moi. Et de sortir peut-être, que ça soit du théâtre, que ça soit des choses qui m'arrivent, alors en volant en général, avec un magnétophone, et ça vient, je sais pas d'où ça vient, mais c'est le plaisir. Et j'ai pour donner une idée, c'était Valérie qui disait le premier vers vient des dieux. Et moi, je me suis donné que tout vient des dieux. Tout doit venir des dieux, même pas le premier vers, de A à Z. Voilà. Alors voici, je ne sais pas si vous aurez dopaminiennement plaisir. Dieu, qui a des yeux et du cœur, a fait l'homme pour son bonheur. Et malheur à qui ? Reste rikiki, Dieu le veut, Dieu le feu. Accabli, accabla, le monde lourd à soulever. Dieu le savait, nous le savons, de Marseille ou d'ailleurs. Et nous savons, et pas savants, vivons le monde ardemment, âprement. Allons donc à Londres ou Saïgon, Bornéo, Singapour, sur les mers des tropiques ou des trocs qui piquent. Ainsi es-tu humain, es-tu tu humain. Le provisoire, l'éphémère, l'ami des vers et des pas mûrs de finition. Amplement, où, dans quel pays, et Flora, la belle romaine, Archipiadane et Thaïs, et Jeanne, et Cétienne. Et ce sont les gorges d'antan, le soutien-gorge, toi le désir, qui de chaleur n'a de cesse. Les champignons de l'âge d'or ont percuté l'âme des choses. Entoile-moi, enfole-moi la folie. Et m'emmène là où le pied de l'homme n'a pas mis la main. Je t'en souple la vie, de la béatitude des horizons ouverts, où se calme l'esprit, où se calme le cœur, où est félicité. la forêt des enchantements, j'y suis allé. Ombre légère, à peine moi, à peine vent, à peine une vie de mulière. Mulière ? Mulière est la pierre qui récite la vie, qui récite l'ainsi, et l'ainsi, et soit-il aux cieux, sur cette terre directe. Fragile humain, polarisé sur les myriades illusions ou les réels intempestifs. Et nous, et vous, moutons de l'infini qui parcourez les forêts habiles d'azur, de vos silhouettes paisibles qui nous appellent bergers, bergères. La texture du vent, l'aurore, la clarté qui s'ouvre. Concentration des rêves, une pointe de bleu au bout du noir transmuté, tout est là, comme sent Aïssaté. Aïssaté, vous connaissez, c'était bas. Tout est là, qui tout. Oui, tout est dit. Oui, tout peut aller. Allons vers le rêve de nous qui est au bout du nez, voire juste au bout de son nez. La chaleur et l'amour, le soleil nous le fait. Vire et vibrant, vire transperce le temps. Et tantenne t'entend. Tambour du roi de Marjolaine. Il est revenu le temps du muguet, enfin reviendra. Enfin revient éternel. Et la conséquence de la conséquence et l'inconséquence lustrale. C'est pas fini. Ah, je m'excuse, non, mais ah, si tu veux, je peux m'arrêter. Non. C'est pas fini. Encore. Ainsi, bure-nous le mou, humanité précaire qui avec nous vivait, qui en nous dévidait votre nostalgie du sublime que le petit pas, mouline en marchandise supermarché de l'âme. Alors, y a qu'à quoi ? Le bug bunny pose un lapin au rêve, mais il est de loin le cousin du grand lièvre qui scintille au cosmos. Vrille, là-haut, brille, pour nous dire que le cerveau, notre cerveau, aplati, aplata, à peine activé, mais pote en ciel, porte en son vide l'attente sidérale. Ah, Artaud. Ah, donne-nous, Artaud, pas moi. Artaud, ah, donne-nous des crânes de braise, des crânes brûlés aux foudres du ciel, des crânes lucides, des crânes réels et transpercés de ta présence. Fais-nous naître aux cieux du dedans, criblés de gouffres en averse, et qu'un vertige nous traverse avec un ongle incandescent. Rassasie-nous, nous avons faim de commotion intersidérale. Averse-nous des laves astrales à la place de notre sang. Détache-nous, divise-nous avec tes mains de braise coupante. Ouvre-nous ces voûtes brûlantes où l'on meurt plus loin que la mort. Fais vaciller notre cerveau au sein de sa propre science et ravis-nous l'intelligence aux grilles d'un typhon nouveau. Bravo! Alors là, ben, on va laisser Jean-Claude qui a quelque chose à nous dire, oui. Une petite explication, et qui va nous chanter une chanson. Et ensuite, on fera simplement un petit tour de table incontournable pour que vous disiez chacun un petit mot sur la soirée. Petit mot. Jean-Claude va nous faire passer un message qui lui tenait un petit message, oui, spécialement à cœur. Et que je trouve important qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Voilà. C'est marrant que tu dises spécialement à cœur. Parce que justement, ça concerne les hackers. Voilà. Alors, il y a un comité qui s'est fondé il y a peu de temps pour soutenir un jeune enfant, un jeune spinalien qui s'appelle Sébastien Raoult. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire ou pas. Enfin, bref. Donc, moi, je connais bien ses parents. Voilà. C'est un jeune qui est fanat d'informatique. Et il aurait... si l'aurais, je dis bien, hacké des données dans des entreprises américaines sans rançonnage. Le rançonnage, c'est quand on va pirater des données et qu'on dit à l'entreprise après, si vous les voulez, 7 ans. Donc, il a fait hacker, mais il n'a pas demandé de rançon. Il l'aurait fait hacker, il parce que ce n'est pas sûr du tout. D'accord, ok. C'est assez compliqué pour ça, parce que bon. Et donc, il était au Maroc, il se baladait au Maroc, et juste au moment de prendre l'avion pour revenir, il y a des flics qui sont venus avec un mandat de la FBI, et puis qui l'ont emprisonné au Maroc. Donc ça fait 120 jours qu'il est emprisonné au Maroc. Et le problème, c'est que les faits, s'ils se sont produits, se sont produits en France. Donc normalement, la France, qui a le souci de ses ressortissants à l'étranger quand ils sont en difficulté, devrait faire une demande d'extradition pour le faire revenir en France et le juger. S'il a fait une connerie, il faut qu'il soit jugé. Mais impossible. Alors, il y a eu des arrangements qui ont été faits avec les Américains, parce que c'est les Américains qui demandent son extradition au Maroc, une extradition vers les États-Unis. Si jamais il va aux États-Unis, il risque 116 ans de prison. Il a 21 ans, il est foutu, quoi. Sa vie est foutue. Et ses autres collègues qui étaient en France, eux, ils ont été écoutés. Alors, ils n'ont même pas été incarcérés. Ouais. Il y avait des complices, ils étaient plusieurs dans ce truc-là. C'est des gamins qui jouent sur Internet, qui sont très doués pour jouer, pour faire des trucs. Et puis, ils se sont amusés, je sais pas moi, une vidéo qui était sur YouTube, par exemple, ils prenaient plaisir à la prendre, à l'enlever, puis plus personne la voyait. Bon, ils savent faire plein de trucs sur Internet, quoi. Ils sont doués en informatique. Et puis, peut-être que certains de ses complices, parce qu'ils étaient 4, 5 en tout, il y en a 4, mais les 4 autres, ils sont restés à Paris, ils n'ont pas bougé. Mais pendant qu'ils étaient à Paris, ils ont été entendus par la police et le FBI à Paris, ils ont été en garde à vue et ils ont été relâchés. Fini. On n'a plus entendu parler, il n'y a pas eu aucun bruit, pas de jugement, rien du tout. Et lui, parce qu'il était au Maroc, et c'est parce que le FBI ne peut pas demander une extradition en France, même plus largement dans l'espace Schengen, parce que c'est des conventions européennes, etc. Mais le Maroc n'en fait pas partie. Donc ils ont suivi très bien Sébastien, et quand il était au Maroc, ils l'ont chopé au Maroc au moment où il était là-bas, pour le faire emprisonner, et puis voilà. Et on demande au ministère de la Justice en France, à Dupond-Moretti, et puis au ministère des Affaires étrangères, de faire leur travail pour qu'ils ramènent Sébastien en France, pour qu'il soit jugé en France. Motus est bouche cousue, on n'a aucune réponse. Ils ne répondent pas, ils ne disent rien. Et on sait, parce que ça fait longtemps, il y a un avocat qui est sur l'affaire, qui est à Paris, tout ça, et on sait avec l'avocat qu'il y a des pièces maintenant justificatives de tout ce que je vous ai raconté, qu'il y a eu une enquête en France qui a été faite et tout. Donc le ministère de la Justice, il a ces pièces-là, et il ne veut pas les fournir à la défense, à l'avocat. Voilà. Et on est là, donc on a monté ce comité de défense, on est 15-20 à peu près, et puis on va lancer une pétition. On voudrait avoir des notoriétés, des gens marquants, parce que quand on fait une pétition, pour que les gens signent, il vaut mieux avoir quelques notoriétés, qu'elles soient politiques ou du spectacle ou du sport ou je sais pas quoi. Mais s'il y a des noms qui accrochent, les gens, ils vont plus facilement signer une pétition quand ils verront qui la signe, quoi. Voilà. Bon. Donc, on en est là. On fait du battage sur les marchés, etc. On demande aux gens de... Voilà, donc pour résumer, il va vous... Tu as des tracts, quelque chose à... Non, j'ai pas de tract. Mais je peux vous faire... J'ai pas la pétition, mais la pétition, elle réclame ça. Elle réclame que toute la clarté soit faite sur l'affaire, que Sébastien Raoult soit rapatrié en France, etc. Donc j'ai une petite feuille où vous pouvez signer, donner votre nom, etc. Puis signer, ça fera déjà quelques noms pour la... Voilà. Et puis... Vous pouvez éventuellement devenir adhérent de l'association, parce que notre comité est en association, on demande 1 € symbolique pour être adhérent de l'association. Il faut qu'on soit nombreux, le plus nombreux possible. Quoi. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Juste un mot. Il me semble que sur le forum des assos à Épinal, il y avait Amnesty International. Oui, ben, oui, mais on travaille. Non, mais on travaille avec eux. Je connais son père, les travailleurs sociaux de son père. Ah, d'accord. Sébastien, Paul Raoult. J'ai vu, oui, le père. Oui. J'ai vu son père dans sur TV5 qui parlait de ça justement. Il avait été interviewé à ce propos. Oui. Ah, ben il y a plein d'articles qui sont parus dans la presse régionale et nationale. Hein. Oui. Il y a 15 jours que j'ai vu ça. Bon. Oui. Ben, on continuera après. Après, on leur discutera. Avant qu'ils nous chantent une chanson, j'aimerais que tous ensemble, on dise à Jean-Claude. Donc quoi ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Jean-Claude ! Joyeux parce que c'était son anniversaire mercredi 21, voilà, mercredi. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères. Oui, voilà, c'est ça. Nous soyons tous réunis. Oui. Voilà, et maintenant tu vas nous offrir une chanson. Ben, je vais vous dire pourquoi je chante. Pour faire danser les mots dans les nuages, entre le silence et l'orage, enjoliver le vent de crochets, de soupirs, et m'envoler, m'échapper, partir. Oublier qui je suis, l'univers où je vis, et vouloir enfin ouvrir mes ailes. Les amarres rompues et le temps suspendu, savourer un instant l'éternel. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour dire le soleil quand l'absurdité plombe, jusqu'au vol de la colombe. Et retrouver loin du tumulte ordinaire, l'océan de l'imaginaire. S'offrir un voyage sans nul autre bagage que la fortune d'être vivant. Et vouer tout son être à sans cesse renaître au gré des caprices du vent. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour le plaisir de se sentir transporté dans un souffle de liberté. S'abandonner au bonheur de voyager dans tous les frissons partagés, la fièvre fraternelle, le bain universel, la musique comme une fusion, le sensible qui passe en inondant l'espace d'une pluie de mots et d'émotions. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour le printemps qui réveille les fleurs et nous repeint l'âme et le cœur. Escorté d'un ramage à nul autre pareil, des mélodies tombées du ciel. Pour la vie qui s'efforce sous la peau, sous l'écorce, à jaillir comme source aux fontaines. Face à l'avenir inconnu, buvons-la sans retenue, avant que le néant nous surprenne. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est aussi pour crier quand l'humanité sombre, abandonnant la proie pour l'ombre, au mépris du vivant, glorifiant le pouvoir, délaissant l'être pour l'avoir. Et si ce n'est qu'un cri, c'est ma part colibri, une goutte presque imperceptible, petit rien d'une ondée qui saura féconder d'autres fruits au jardin des possibles. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. Pour tout ça que je chante, pour tout ça que je chante, que je chante, que je chante. Merci à tout le monde. Alors, juste une toute petite phrase. On fait un tour, notre incontournable tour de table, de ce que vous pensez de cette soirée. Moi, simplement, je reprends d'autres fruits au jardin des possibles. Voilà ce que je retiens par la chanson de Jean-Claude. Merci. Une petite phrase. Restabilisant. Et ça rend plus stable. Mais j'ai vécu plein de choses bien. C'était vraiment 2-3 heures bien où je me suis ressourcée. C'est bien. C'est merci ça. Beaucoup, Félicie. Intéressant. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. Jean-Claude. Échangeons, partageons, coopérons. Voilà. Martin. J'ai tout aimé, surtout les chansons de Jean-Claude. Sylvie. J'aime beaucoup les chansons de Jean-Claude. Ah oui, j'aime beaucoup les chansons de Jean-Claude. Moi aussi, j'étais très touchée par les chansons et par l'idée de chercher ensemble des solutions pour avancer. C'est bien, merci. Marie-Christine. Alors, restons simples, oui, et occupons-nous de l'autre. Voilà, merci. Aurélie. Continuons à profiter des super moments qu'on passe tous ensemble. Merci. C'est Gwendoline. Moi, j'ai vu que j'avais tous les ingrédients pour avoir une montée de dopamine, et c'est ce qui s'est passé. Magnifique. Filmo. Oui, moi, c'est... On a une petite phrase. Venez à moi les paumés, oh, les rejetés, les parias, oh, venez, je vous guiderai, oh, là où le malheureux est roi. Bon, bah, merci beaucoup, Filmo. Ma presse fait peur, là. Tu rentres dans ta caverne. Voilà, je rentre dans ma caverne. Voilà. De façon moins poétique que Vincent ou Jean-Claude, l'homme est tellement plus grand que ce qui est décrit dans le bug humain. Alors bien, donc il y a un espoir. Bien, merci. Voilà, Guillaume. Oui, bah, espoir, ça va bien, espoir et solution. Voilà, bah, c'est bien, Swad. Je dirais se connecter, se reconnecter pour plus de plaisir. D'accord. Bon, ben merci à tous. Je crois que je n'ai oublié personne. Et je vous souhaite une excellente soirée pour passer à la soupe. Ouais. Merci à tous, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute, en vous disant à bientôt avec nous dans Associativement Vôtre, en remerciant également Auriel, notre pianiste belge, qui nous offre ce jingle.